Amis humains, bonjour. Vous avez aimé les pesticides, vous devriez adorer les nanos. Tandis que quelques bus déversaient leur flot d'âneries sur la radio RMC, InfoTalksport, afin de justifier l'utilisation des pesticides dans les industries agroalimentaires. Nos ministres annonçaient quant à eux la création des premiers GIE à l'occasion de leur visite au Salon de l'agriculture à Paris. Les bus en question ne manquaient pas cette occasion de promouvoir et justifier libéralisme, des régularisations et des tricotages des lois pour le plus grand bénéfice des multinationales et des groupes financiers qui se dissimulent derrière leurs annonceurs. Dans le pognon, tout est bon, ainsi peut-on résumer la maxime philosophique qui sous-tend l'ensemble de leurs prêches. Pourtant, si aujourd'hui semble s'installer un consensus sur la reconnaissance de la dangerosité de l'utilisation de ces produits désignés puniquement phytosanitaires, une autre menace avance bien masquée, dans tous les aspects de notre quotidien, de l'alimentation aux cosmétiques, des médicaments, de l'habillement aux matériaux de construction, de l'ameublement aux véhicules de transport, rien n'échappe à l'invasion des nanotoxiques. Sucre glace plus blanc et plus léger, bonbons et mousse au chocolat aux textures et couleurs inédites, impact gustatif potentialisé, agents de conservation et de texture, additifs anti-moisissure et anti-dessèchement. On estime que plus de 300 de ces substances sont ainsi incorporées dans nos paniers ménagers. Outre les particules directement intégrées dans les aliments, d'autres figurent dans la composition des emballages tels que nano-argent ou nano-magnésium susceptibles de migrer dans leur contenu. Nano-dioxyde de titane, nano-silice, nano-pentoxyde d'antimoine, nano-argent, nano-zinc, nanotubes de carbone, la liste est longue de ces substances qui envahissent clandestinement nos organismes. Clandestinement, car faute d'étiquetage, faute d'information en général, le consommateur est laissé dans l'ignorance de ce qu'on lui fait ingurgiter. Des intoxications ou des manifestations pathologiques en ont-elles résulté? Difficile de savoir puisque les rares études sur le sujet sont contradictoires du fait que nombre d'entre elles proviennent de lobbyistes plus appliqués à la promotion de leurs produits plutôt qu'aux soucis de la santé humaine. On retrouve l'habituelle conclusion passe-partout qui avait été mise en avant lors des études de toxicité de l'amiante, des pesticides, aujourd'hui des OGM, en l'état actuel des connaissances. Les risques liés aux nanoparticules ne peuvent être évalués faute de données suffisantes. Pas étonnant quand on sait que le marché mondial des nanoparticules représentait plus de 500 milliards en 2008 et représente probablement de 2 à 3 000 milliards en 2015. Cependant, la FSSA et la FSSET, ainsi que le Haut Conseil de la Santé publique, dont on connaît les liens avec industriels et financiers, ont fini par admettre recommandations et vigilances relatives à la sécurité des nanoparticules. En effet, du fait de leur petite taille, ces nanos parviennent à franchir la plupart des barrières naturelles de notre organisme, peau, muqueuse, y compris barrières encéphaliques, barrières placentaires, etc. D'autant que la plupart des chercheurs soulignent que la toxicité d'une substance s'amplifie quand elle se présente sous forme nanométrique. Aucun organe n'étant dès lors épargné par cette invasion toxique, y compris l'ADN dont des brins s'enroulent autour, notamment des nanotubes de carbone perturbant la transcription des gènes, mais aussi invasion dans les reins, le foie, le cerveau, les poumons, il y a tout lieu de craindre que cela aboutisse à une nouvelle catastrophe sanitaire. Chers amis, nous servons ici de cobayes à cette industrie, ainsi que l'ont été avant nous nos aïeux dans le cas de l'affaire de l'amiante qui continue hélas de provoquer les décès de nos jours. Malheureusement, gageons que d'ici quelques temps, nous retrouverons les mêmes bus annonnés à la radio, que les nanos sont l'avenir de notre industrie bonne pour la santé, et le pognon, etc. En attendant, il est urgent de répandre l'alerte, d'agir auprès de nos élus, de signer toutes les pétitions disponibles et de faire gaffe à nos achats. La plupart des informations contenues dans cet article sont issues du livre de Roger Langlais, Nanotoxique, une enquête. Actes Sud, mars 2014. À bientôt, et grosse bise numérique.